Bonjour, jeudi 25 novembre. Je vais faire un direct, mais pas longtemps. Pas longtemps. De toute façon, il n'y a personne pour l'instant encore. Donc, qu'est-ce qui avait été question dans les derniers chats? Je me souviens, ah oui, le surmental. Par après, je m'étais dit, est-ce que j'ai bien répondu en parlant là, de un espace transitif, un espace intermédiaire? En quelque sorte qu'une pensée déjà non subjective, objective, c'était déjà du surmental. Puis je suis allé voir, je suis allé revérifier, puis je me suis rendu compte que finalement j'avais bien répondu. Donc, il semblerait que c'était correct. Donc, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Ah, il y avait quelqu'un qui est parti, qui n'a pas été là longtemps. Donc, bon, ça se pourrait que je sois encore interrompu, là. Donc, peut-être, je vais faire ça pendant 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Mais pas longtemps, ça devrait pas être. Donc, ça me surprend qu'il n'y ait pas déjà un petit peu plus de gens. Habituellement, c'est le chat, là, qui me. Il y a David Lévesque, qui a fait une transcription dernièrement. Je ne sais plus de quelle vidéo. Je crois que c'est la vidéo. Prise de parole du 11 novembre. Donc, je pense que, bonjour, Cécile. Je pense qu'il en a fait une transcription, mais quand c'est des chats comme ça en direct, quand c'est le direct, je peux pas mettre rien dans une description ou quoi que ce soit. Donc, bonjour, Lindus. Lindus, eh bien, ATN. Donc, de Lévis, envoyé en face de Québec. J'ai jamais compris comment ça se fait que ça n'avait pas été fusionné, peut-être parce que la mairesse Boucher. Je l'aimais, elle, la mairesse Boucher. Bonjour, Marsanne. Donc, je vais faire une autre vidéo probablement ce soir pour mettre un lien de David Lévesque. Puis je vais voir entre-temps si je trouve quelque chose d'autre à dire. Bonjour, Dalila, de Belgique. En la Belgique. Et puis, à part ça, moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des choses à discuter parce que vraiment, je ne sais pas de quoi parler. S'il fallait que je parle de quelque chose en ce moment, étant donné que ça ne vibre pas très haut, mon affaire, je parlerais probablement de conneries. Vous avez vu, là, ils ont fait un film sur Céline Dion. Oh, ça a l'air comique. Ça a l'air vraiment drôle. Donc, je te pogne en live enfin. Eh ben, souvent, c'est étrange. Les gens sont tout heureux de m'avoir en direct, puis finalement, il participe pas après avoir dit ça, ben. Ah, vous avez vu, là, Claudette Dion, elle est gay, qu'elle est pas contente. Elle est comique, cette madame-là. Elle a de la mère un peu dans le nez, elle tient de sa mère beaucoup. Plus que Céline, je trouve qu'il ressemble à son père beaucoup. Bonjour, Amof, décidément, synchronicité. Ben, vous savez, des fois, il arrive que pas nécessairement donner sens à tout, tout le temps. C'est des conjonctures d'événements. Puis bon. Attends. Oui, A Light of Two Cities. Ah oui, pour Lévis. Ben oui, je l'aimais beaucoup. Céline Dion est née gars. Oh, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup. Parce que son mari aimait les très jeunes filles, donc ça m'étonnerait. Hein? L'ami de Guy Cloutier, son mari. Je suis pas fin, là. Faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est un transgenre, je pense pas. C'est vrai qu'elle a un physique ingrat, là. Mais non, si vous vous informez comme il faut, même, Thérèse Dion était dépressive de ce bébé-là. Puis je pense pas que dans une famille comme ça aurait. Ils avaient pas non plus les moyens de. En tout cas. Je suis d'accord qu'elle avait un physique ingrat, un petit peu masculin, là, avec une mâchoire très. Bon. Mais là, bon, franchement, il ne faut pas trop en mettre. Bonsoir, B. Passage rapide pour te saluer. OK, Madame Urbanski, je ne sais pas si je ne suis pas allé voir mes courriels. Je m'excuse, je vous demande de m'écrire. Puis finalement, oui, je connais Edgar Cayce, le prophète endormi. Ben, oui, je connais, j'ai même. J'ai. En tout cas, je me suis intéressé un bout de temps. Oui, leur Dieu, c'est Baphomet, pas pour rien. Ah oui, bon. Techniquement, le Baphomet, c'est pas vraiment une divinité au sens du terme. C'est ce qu'on appelle la science de principe. Bon, c'est un principe d'action magique. En tout cas, de toute façon, c'est pas bien grave. Bonsoir, Rayon Jaune. Camille Terrier. Ah, bonsoir. Donc, moi, c'est ça. Ah oui, vous dites que Céline Dion, c'est un transgenre. Eh bien, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Bien, bonjour, Benoît Letalec. Ben, prononcer Talek ou Talek? Talek, je crois, oui, ben, le Talek. Ben, c'est vrai qu'elle avait, étant jeune, là, disons qu'il y a eu un gros travail de fait dessus là, pour qu'elle soit un petit peu plus, on va rester gentil, qu'elle soit plus présentable, notamment ses dents. Là. C'est drôle ça, il y en avait une autre chanteuse qui s'était fait arranger les dents, puis tout le monde disait qu'elle n'était pas jolie, c'est Patti Galant. Puis Patti Galant, moi, je l'ai Champagne, les gens disaient qu'elle n'était pas jolie. Moi, je la trouvais jolie, Suzanne Champagne. Je n'ai jamais compris. T'as moqué pas de mon nom. Je ne l'ai pas choisi. C'est pas un pseudo. Ben, moi, c'est un pseudo, mais c'est drôle. On dirait que c'est comme je ne l'avais pas choisi non plus. C'est vraiment comme des hasards. Bonsoir à tous. Non, je ne me moquais pas. Ben non, je ne me moquais pas. Oui, attention à ce qu'on dit. Attention à ce qu'on fait. Les forces travaillent dans tous les sens, piègent à toutes les étapes. Le pire, c'est que quand on fait attention, ça veut dire qu'on intellectualise le mouvement quelque part. Faire attention, c'est se concentrer. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas centré, puis qu'il y a un effort de centrement qui passe par l'intellect souvent. Donc, faire attention, c'est souvent mauvais signe. C'est paradoxal ce que je dis là. Mais oui. Ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte il y a 2-3 ans. Puis même au niveau là, de travailler par rapport à c'est quoi l'intellect, puis essayer de faire descendre l'information. Et la concentration est une compensation. Puis quelqu'un qui est de concentré n'est pas nécessairement centré. Et faire attention, c'est une preuve de. C'est un effort qui est dans le mental inférieur. C'est pour une compensation à la présence quelque part. Donc, j'avais trouvé ça intéressant à cette époque-là. Je m'étais beaucoup penché là-dessus. Il y avait beaucoup à la mode des techniques, toutes sortes de techniques. On peut regarder ça. Puis je trouvais que ce n'était pas suffisant. C'était pas adéquat. C'était pas, en guillemets, réel. Donc, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose qui manque par rapport au fait que ça, c'est des compensations quelque part. Puis c'est là que, bon, je m'étais mis beaucoup à... C'est quoi le sujet du jour? Je sais pas. J'en ai aucune idée. On va voir ça. Exercice, exemple. Moi, ça me prend une centaine de push-ups par jour pour me débarrasser de l'esprit du serpent. Ah ouais, c'est pas tant que ça, une centaine par jour. Mais... Oui, ben c'est si au moins vous le faisiez pour vraiment pour en faire. C'était juste pour, vous savez, là, plusieurs entités démoniaques. Bon, oui. Il y a l'antithisation, hein, juste le fait de considérer qu'il y a des entités démoniaques, c'est déjà nourrir quelque chose. Donc, il est même possible de débarrasser des gens d'entités en les convainquant puis en les suggestionnant qu'il n'y en a pas. Puis il y a une coupure qui se fait, puis l'entité n'est plus capable d'accéder aux structures énergétiques de la personne. Ce qui tente à démontrer certaines choses qui sont quand même intéressantes, c'est-à-dire que nous construisons des entités, entre autres, nous nourrissons des entités. Puis souvent, c'est une partie de soi qui n'est pas intégrée. Donc, bon, mais ça dépend, là, il y a aussi d'autres phénomènes. T'as entendu parler de Summerhill, école véritablement libre. Ben, je ne m'intéresse pas beaucoup aux écoles alternatives, mais Summerhill, ça me dit quelque chose le nom, mais as-tu déjà ressenti une possession? Oui, mais ça dépend ce qu'on entend par là. Ça dépend ce qu'on entend par ça, là. Mais, ben, juste quand vous dites « j'étais hors de moi », puis, il y a quelque chose d'un programme. Tout ce qui est de la possession, c'est tout ce qui est subjectif qui ne vient pas de vous. Donc, bonjour, Mystère Guerrière. Camille Terrier, nous, en France aujourd'hui, grosse attaque du sinistre de la santé pour forcer la troisième potion. Faut que tu m'apprennes à aller attaquer. Ben oui, mais ça dépend des mandats de chacun. Il y a des gens qui ne doivent pas faire ça parce qu'ils ne pourront pas gérer les retours. Mais il risque que votre ministre de la Santé. Vous savez quoi, dernièrement? J'ai cru comprendre. J'étais dans un état second. Puis j'ai réellement eu l'impression que par rapport à la France, la destinée de la France, puis l'Europe en général, je pense que vous n'êtes pas au bout là, de vos peines. Dans le sens que je suis pas très optimiste par rapport à la France. Donc, c'est le début, là. Puis, votre ministre de la Santé, c'est Castex, ça? Ah, c'est un fou, ça. C'est complètement malade, cet homme-là. Il faudrait que des gens l'attaquent dans le matériel. Donc, je devrais pas dire des choses. Je vais finir par avoir des... Mais au niveau sémantique, tu sais. Qu'il y a des... une argumentation plus consistante, parce que ça n'a aucun sens, c'est complètement fou, ça. En tout cas. Camille Terrier, Véranda, c'est pas mieux. Véranda, oh, je sais pas. Marsan, tu connaîtrais un pays où il va faire bon vivre dans le futur? Ça dépend de chacun, là. Ouais, moi je me sens bien ici maintenant. Je veux dire, possiblement que si j'étais né en France, ce serait pareil. Des fois, je suis en colère. Mais... Ah, Véran, Olivier Véran, c'est vrai. Castex, c'est qui, donc? C'est le... Je pense que le ministre de la Santé. Ah, ben c'est tout aussi fou. Mais c'est... Comment est-ce que ça s'appelait l'autre, là? Celle qui a démissionné, là, qui... Ah, ben ça, c'était encore pire. Ben, c'est surtout en église. Marc de la Bête. Ben, pas encore. Pas encore. Ça s'en vient. Oui, le premier sinistre, oui, c'est ça. Castex, c'est le premier ministre. Véran, votre ministre de la Santé. Puis avant, c'était... voyons, comment est-ce que ça s'appelait, elle? Agnès Burin, c'est tout ça? Non, c'est pas ça. Ben, vous savez, là, juste à suivre... J'ai une mémoire défaillante, puis juste se suivre... la politique au Canada, aux États-Unis, puis alors, je deviens tout mêlé. Bonjour à vous. Manon. Alors, c'est mieux que maman. Bonjour. Dis donc ça, live en ce moment. Ben oui. J'ai commencé à écouter Daniel Kemp. Il me parle que nous devons voir et comprendre la manipulation venant de l'astral. Un jour, le supramental rayonnera sur nous et effectuera un grand nettoyage. Moi, Agnès Buzyn, c'est ça. Je l'ai appelé Burin. Agnès Buzyn, oui, c'était tout... c'était honteux, vraiment. Là. Pauvre madame. Oui, on bat les records de démission. Les rats quittent le navire. Ah oui? Ah. Il n'y a pas beaucoup de démissions ici, pas encore. J'imagine que ça s'en vient, ben, espérons-le, en tout cas. Mais Daniel Kemp, l'affaire, le grand nettoyage, il faut qu'il y ait une épuration du mental. C'est peut-être la création d'un espace qu'on a justement appelé le surmental, en attendant. Donc, mais je ne l'ai pas beaucoup écouté, Daniel Kemp, mais vous savez, il y a Diffusion Daniel Kemp. J'ai vu ça dernièrement, Diffusion Daniel Kemp, il y a une chaîne qui s'appelle comme ça. Je ne sais pas si c'est Diffusion BDM International qui a ouvert une autre pelle comme ça, puis qui met en ligne tout ce qu'on a de Daniel Kemp. Il y a déjà eu des vidéos de Daniel Kemp, mais c'est étrange. Je l'ai eu sur Internet. Bon. Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas écouté. Mais à chaque fois, c'était quand même bien. C'est arrivé des fois qu'ils sortent des choses, j'étais là-haut, moi. Comme il parle qu'il criait, il appelait Satan, il provoquait Satan là, dans les boules. Là. En plus, il s'en va dire, c'est une chose à ne jamais faire, puis je vous déconseille de faire ça. Mais oui, mais vu ce qu'est la psychologie inversée chez les gens encore psychologiques, quand bien même vous dites aux gens, ne faites pas ça, il ne faut jamais le faire. Si vous ne voulez pas que des gens fassent quelque chose, le mieux, c'est de ne pas en parler. Parce que les gens que... Concernant les forces sataniques, c'est les motifs et les forces lucifériennes, c'est le matériel. Mais existe-t-il individuellement des entités satanes, Lucifer? C'est intéressant ce que vous dites, le matériel, parce que c'est pas juste le matériel. C'est pas juste le matériel, les forces lucifériennes. C'est tout ce qui peut se scier en dehors de, justement, les programmes comme l'animalité, puis l'ego, puis qui va au-delà, ce qui rattrape au-delà, ou qui est lié à l'intégration de sciences de domination au-delà de ça, mais c'est pas juste le matériel. C'est aussi la capacité, par exemple, de la capacité de synthétiser d'une façon systémique des choses pour dominer. Ça, c'est du Lucifer, c'est luciférien. Donc, mais existe-t-il des entités? Satan, oui, existe en tant que forme égrégorielle. C'est très fort, d'ailleurs, parce qu'il y a le bas astral, puis il y a toutes sortes de forces égrégorielles, une forme atténuée de la lumière, si on peut dire. La lumière réfléchie, entre autres, qu'on pourrait appeler de l'astral, ou l'impression de la lumière au-delà de l'ego. On pourrait dire que c'est une entétisation de Lucifer. Donc, les enfants cristal indigo puis toute la kit, c'est les parents qui consommaient des drogues comme la mescaline, cocaïne, moche pendant l'évolution de l'enfant dans le ventre. Ben vous savez, c'est parce qu'il n'y a pas juste ça, il y a toutes sortes de molécules synthétiques qui ont été consommées là. Parce que ça fait depuis les années 50 qu'il y a des molécules synthétiques, donc ça peut être toutes sortes d'affaires, c'est pas juste ça, là. Mais il y a une altération de l'ADN quand même, mais c'est quand même lié, même si ça a l'air à l'envers, à certaines choses qui sont liées à une certaine évolution pareille, ça va engendrer des mutations. Ah, monsieur Trajan, bonjour, les rats sont des rats car nous les autorisons à être des rats. Nous sommes nos propres bourreaux, c'est juste que le peuple n'en est pas conscient. Donc, où est l'autorisation? Si le peuple n'est pas conscient de tout ça, c'est une autorisation par omission, liée à de l'ignorance. Ben, pourquoi pas? Tout ou rien. Yo, ok. Ben, pourquoi pas? Ben, j'ai jamais su ce que ça voulait dire, yo. Mais c'est pas, ils s'écrivent pas comme ça. Vincent Trajan Junior, bon. Mais par rapport, là, les rats sont des rats. Oui, ben, ça fait partie des forces incarnées, je le vois comme ça, des forces inconscientes. Donc, tout ce qui est inconscient, tout ce qui n'est pas intégré, c'est de l'astral. Au fond, parce que ça fait passer, il y a de la mémoire non intégrale. Donc, ben oui, ça veut dire que, au fond, s'il n'y a pas de victime, si les gens décidaient du jour au lendemain de ne plus être victime de tout ça, ça s'effondrait tout seul. Mais malheureusement, on n'en est pas là. Ben, malheureusement. T'étais quel type d'élève à l'école? J'étais d'un type qu'il n'y a pas eu avant ni après, je pense. Tellement, j'étais considéré comme un sourdoué et un cas à problème en même temps. Mais d'une façon que, au point où les commissaires scolaires ne savaient pas quoi faire. Puis Mais j'étais pas dans les sportifs, ni dans les têtes brûlées, ni dans les. J'avais des amis dans chaque groupe. J'étais pas impopulaire. J'étais pas un nerd non plus. Mais je suis probablement l'élève le plus fendant que j'ai jamais. Mais pas la plupart de mes professeurs devaient avoir des envies de meurtre. Parce que j'avais un sens de la répartie très, très rapide. Puis ce que j'aimais, c'est montrer à toute la classe à quel point le prof n'était pas intelligent. Ça, c'est quand j'étais en colère et frustré, ce qu'il ne faut jamais faire. Et j'y réussissais très bien, parce que la plupart des professeurs n'ont pas un QI très élevé. Mais là, je ne sais pas, genre, je n'ai pas envie de parler de ça. Les rats et les souris nécessaires dans la polarité. Nécessaire, oui, au sens de l'évolution, encore nécessaire, peut-être, au sens de choc à venir aussi, peut-être. Bonjour, est-ce qu'il y a une possibilité de passer vers le plan moronciel à travers le voyage astral? Je pense pas. Moi, mes yeux, non. Parce que la fusion, l'intégration, ça se fait dans le jour et ensuite, ça va influer sur la vie pendant le sommeil, la continuité de certaines choses pendant le sommeil. Donc, non. Il y a là une illusion. À mes yeux, là, je peux avoir à retourner la tête des instituteurs. Oui, je pense que il y en a qui. En tout cas, mais genre, je leur en veux pas. Les gens font ce qu'ils peuvent, ce qu'ils peuvent. Tu dis qu'ici en France, on n'est qu'au début de la merde. Tu l'as déjà dit en août. Ils veulent détruire le symbole de la France. Donc, il faut vraiment que j'intègre la tech depuis les terres. Oui, mais peut-être que ça fait partie du karma de la France. Là, à ce niveau-là, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il y a des forces beaucoup plus. Je veux dire, même un ego intégral incarné dans le plan matériel ne peut pas contrer certaines choses. Donc, mais il y a des choses aussi que des initiés de la connaissance ont décidé. Vous pouvez, si vous réussissez à trouver l'archéomètre de Saint-Yves d'Alvèdre, vous verrez qu'il parle de la montée en force de la Chine, de l'arrivée de l'islam en Europe, et ainsi de suite. Donc, il y a des choses qui ont été décidées il y a longtemps. Donc, est-ce que c'est vrai que la montagne du Mont-Royal à Montréal est une porte au même titre que celle du Mont-Saint-Hilaire? Ça, je ne le sais pas. Je vous avoue, là, je ne le sais pas. C'est clair que ça a une force magnétique. En tout cas, il y a quelque chose de magnétique là. Dans le sens que le Mont-Royal est lié à l'astral beaucoup au sens magnétique, dans le sens qu'il met en vibration les âmes. D'ailleurs, on y a mis une croix. Il y a quelque chose d'une symbolique liée avec des lignées de sang royal, mais ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de parler. Il y a quelque chose, ça attire les hippies qui jouent du tam-tam, les drogués, les couples amoureux. Il y a quelque chose de lié à l'homme, donc c'est très magnétique, le Mont-Royal. Puis, c'est étrange parce qu'habituellement, dans une ville, plus vous montez, plus c'est des beaux quartiers. Montréal, vous avez le plateau Mont-Royal, mais si vous montez, il commence à avoir de la misère par là. C'est pas comme le Québec, là. Vraiment, en tout cas. Je veux pas crever sans me battre. Ben oui, mais c'est pas nous qui décidons, dans le sens que vous avez votre double. Puis, c'est lui, il va vous tenir en lice, là. Dans le sens que si vous voulez aller contre une certaine programmation, un certain mandat, vous allez être attrapé par des forces, vous allez être empêché. Il y a quelque chose encore de désir là-dedans qu'il va falloir peut-être neutraliser. Puis c'est pas grave, crever. Ah, mon ordinateur a besoin d'un instant. Bon, ça y est, c'est revenu. Donc, est-ce une illusion? Bonjour à tous. Savez aussi vos intras. Et alors? Oh, les intraterrestres. Ouais, mais c'est peut-être pas de la nature comme on le pense. C'est peut-être pas la nature comme on la pense. Dans le sens que, est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'on a vraiment affaire à des êtres denses? Tant que ça. Donc, salut Bertolt, que penses-tu des parents qui veulent faire vacciner leurs enfants? Je pense à rien. C'est la moyenne des gens, puis c'est eux-mêmes des enfants, puis ils font ce qu'on leur demande. Faut-il avoir un grand QI si l'on souhaite développer son intelligence? Non. Ben non, ça n'a rien à voir. Le QI, l'intelligence, je ne vois pas ça pareil. C'est mécanique, hein, le QI. En Afrique, ils ne les approchent pas, ces croissances géologiques. Les excroissances, oui, ben, ils ont certaines connaissances, mais il y a aussi au niveau des capacités des peuples à gérer ou pas certaines énergies, alors que les Occidentaux ont tout le temps fondé des villes autour des montagnes. Mais il y a des endroits pareils en Afrique où. Mais ils risquent. Ils ont certaines peurs. Mais ils savent certaines choses aussi. Comme vous savez, là, il y en a, c'est comme des ombres en trois dimensions et ça va très très vite. Ils savent plus que nous ce que c'est ça. Mais bon. C'est un petit peu des restants de ce qu'on pourrait appeler la quatrième race racine. Est-ce que l'état de non-réflexe vibratoire fait partie du travail de l'ajusteur de pensée pour établir le contact? Alors ça, il faut que je le regarde. Est-ce que l'état de non-réflexion vibratoire de l'ajusteur de pensée pour établir le contact? Ça me dit que oui. Donc, on pourrait parler justement, ça pourrait être lié à ce qu'on parle, le surmental, là.

Oui. Puis c'est étrange à dire, là, mais oui. Ben, je veux dire, c'est un peu comme des gens. Vous savez, là, il y a un film vraiment qui est considéré comme un navet. Comment ça s'appelle donc? Zardoz. Il y a une gang de. Il y a une élite là-dedans qu'au fond, on dirait qu'ils veulent être détruits. Ils veulent que leur société s'effondre. Le fait de parler sans penser continuellement, ça développe quoi exactement? Ben, ça développe la parole. Puis ça développe aussi de l'ajustement. C'est-à-dire que des fois, je suis sur le point de dire quelque chose que je ne dois pas dire, mais je le vois en temps réel immédiatement. Puis ça, je ne l'avais pas avant. J'aurais pas pu faire des lives. Donc, maintenant, ça développe l'exercice de la parole. Tout simplement. C'est pour ça que, comme Daniel Kahn, puis il me semble que plus ses vidéos avancent, plus il est. Comment peut-on être obsédé par le supramental et ne pas y avoir accès avec de la volonté? Oui, mais est-ce que c'est de la volonté psychologique? C'est quoi ces programmations qui sont pas ajustées? Je comprends pas comment on peut être obsédé par le supramental s'il n'y a pas d'effet, s'il n'y a pas d'intégration. Moi, je me serais tanné, là. S'il n'y a pas de changement dans la perception aussi, il doit bien y avoir eu des changements au niveau de la perception. Ça se peut pas qu'il se passe rien. Donc, ça fait au moins jusqu'à des. Attends. Ça fait un mois que j'ai des bourdonnements. Je m'en préoccupe même pas. Ben oui, ben, c'est pas si dérangeant que ça, là. Denis Jutras fait son boulot. Moi, oui. Je veux dire. J'allais dire quelque chose. Est-ce que le double et l'ajusteur de pensée, c'est la même personne? C'est pas des personnes. Ça peut pas être là. Comment faire pour avoir un contact avec eux? Comment fait-on pour avoir notre initiation solaire? C'est ça le problème, c'est que c'est pas du cheminement personnel, là. Possiblement, vous avez déjà eu des contacts. Souvent, les gens ne savent même pas qu'ils ont des contacts. C'est un peu ça là, qui est paradoxal. C'est certain que c'est déjà arrivé. C'est certain que vous avez déjà eu des fortes intuitions, que vous avez eu de la perception extrasensorielle. Ça ne peut pas passer autrement que par une structure prépersonnelle. C'est pour ça que je vous dis aussi que ce n'est pas des personnes. Donc, cessons cette programmation qui me pousse à tanner. Vas-tu ouvrir un Skype pour répondre au. Ben oui, mais il faut que j'y aille voir les mails. Puis ces temps-ci, je n'ai pas la vibration encore. Je ne suis pas allé cette semaine. Je vais probablement y aller au début de la semaine prochaine. Là, je suis préoccupé avec un paquet de choses. Demain, j'ai un rendez-vous chez le vétérinaire. Puis bon, toutes sortes de choses. En plus, le chat est disparu. Exactement comme je lui trouve un rendez-vous. C'est souvent comme ça, hein? En plus, je lui avais trouvé quelqu'un pour le loger, puis là, j'ai plus de nouvelles. J'étais prêt à payer en plus pour le faire castrer, puis bon. Comment forcer, un, le contact, la colère occulte, car la crise de souffrance de la manipulation, j'ai un mot à lui glisser, même si c'est pour moi. Ben, vous savez, la colère psychologique, à un moment donné, il faut que cette énergie-là serve, dans le sens, ça ne peut pas rester. Juste se rendre compte qu'il y a de la manipulation, c'est pas suffisant. Dans le sens qu'il y a même une manipulation là. Dans le sens que même quand on se rend compte, on est manipulé par le fait de se rendre compte de la façon dont ça s'intègre. C'est là que ça devient plus subtil, là. Pour forcer le contact, faites comme les petits enfants. Ben, ils font rien. Ils se laissent être eux-mêmes. Puis, justement, ils intellectualisent moins. Donc, puis ils sont réceptifs, ils sont disponibles. Oui, il y a des changements, mais surtout psychologiques. Je ne sens pas le psychique, pour le coup, où je ne sais pas faire la différence, mais dans certaines de tes vidéos, je me trouve dans. Tes raisonnements. Ben oui, mais c'est parce que ça se résonne pas vraiment, pas dans ce sens-là. Donc, si j'étais tout le temps dans le raisonnement, je ferais de la philosophie, je ferais pas. Merci pour vos réponses. Si les événements de ma vie m'ont amené vers le supramental, ça peut être un jeu de l'esprit. Ben oui. S'occuper d'un chat, j'ai fait une attelle et un pigeon ce printemps. Ah oui, ça doit être tout petit, ça. J'ai déjà vu une dame qui avait soigné la patte cassée d'un pinson. Elle lui avait fait. C'était avec des cure-dents, je crois. C'était spécial. Comment différencier le psychologique du psychique? Le psychique, ça se pense pas. Dans le sens, ça se réfléchit pas. Quand vous savez quelque chose, vous n'avez pas. Si vous arrivez à une conclusion sans avoir eu à le réfléchir au niveau de raisonnement, que vous le savez d'une façon qui n'est pas psychologique, vous allez le savoir immédiatement. C'est comme, j'ai discuté à une mère à un moment donné, elle venait de partir pour le travail et son fils, elle l'avait vu passer en bicyclette. Elle était rendue au coin de la rue et elle a su immédiatement que son fils s'était blessé, qu'il était tombé en bas de sa bicyclette. Donc, elle a fait marche arrière, elle a rebroussé chemin, elle est arrivée dans sa cour et elle a vu que son fils était blessé par terre. Et ça, c'est psychique, c'est pas psychologique, une information comme ça. C'est pas au niveau d'une déduction. Ça s'est manifesté par d'autres structures. Donc, c'est pas en réfléchissant, puis en faisant une moyenne, puis en calculant des probabilités. Elle a su instantanément. Donc, ça, c'est psychique. Comment tu fais? Ah bon, tu peux pas rentrer dans hyper psychique dans un live. Ben, si ça arrive, je vais devenir tout mêlé. Vous devriez me voir des fois. Une fois, j'étais en train de faire mon épicerie. Puis là, tout d'un coup, je sais plus ce que je fais là. Je sais plus pourquoi je suis là. Je sais plus on est quel jour. Je sais plus si on est. Il fait pas beau dehors, donc je sais pas si on est le matin ou le soir. Ça a duré comme ça, 2, 3 minutes. Je recevais de l'information autre. Mais il a fallu que je me mette en colère, puis que je dise, mais là, je suis ici pas pour ça. J'étais complètement désorganisé. Je devais avoir l'air d'un vrai fou. Donc, non, parce que s'il n'y a pas un contrôle sur ça, on risque on peut plus fonctionner. Puis si je me mets dans. Si je fais des lives, premièrement, si je tombe dans un état comme ça, je vais avoir de la difficulté à programmer un live, là, je vais avoir de la difficulté à me retrouver. Donc, mais ça, pour que ça arrive, j'en ai déjà fait des enregistrements où j'étais dans un état complètement différent, mais c'est des audios. J'avais pas mis la caméra parce que je veux pas qu'on me voie dans cet état-là. Parce que je deviens les yeux complètement différents. Puis mes traits aussi sont différents. Puis j'ai pas envie de. Ça sera pas long qu'il y en ait une méchante gang qui vont me traiter de. Je vais passer pour un phénomène de possession. Il y en a, ils comprendront pas le phénomène. Puis, je vais me faire attaquer par des gens qui sont des fanatiques religieux, entre autres. Les lives sur YouTube, ça peut amener à des micro-updates psychiques. Bon, peut-être. Et puis, ceux qui sont présents le sont pas hasardeusement. Ben, le hasard, ça n'existe pas, mais ça ne veut pas dire que tout événement, on doit donner un sens extraordinaire. Bonsoir, Steve. C'est pas le seul. Je me réjouis. Je me réjouis. Transmettez comment qu'on voit les déphasages avec la polarité. Là, j'ai de la misère à comprendre la tournure de phrase. Camille, des fois, je raisonne que je dois bosser. Et je me sauve dans mes loisirs, c'est du psychique. Non. C'est que il y a un combat entre le rationnel puis le corps de désir, mais c'est encore dans le psychologique, ça. C'est des phénomènes que les psychologues connaissent. C'est au niveau d'intégrer le fait d'avoir une résilience structurelle dans sa vie. Dans le sens, c'est on voit ça. Par exemple, chez les gens qui ont des dépendances, c'est-à-dire ils savent que leur mode de vie est pas sain, mais ils vont rationaliser. Mais ils savent, puis ils rationalisent les deux côtés. Puis là, à ce niveau-là, il y a un conflit entre la conscience puis des programmes.

Ça englobe, mettons, jusqu'à 16h10. Ça englobe au-delà du globe. Et oui. Au-delà de la forme. Oui, le supramental, c'est difficile d'être égrégoriel avec ça. Dans le sens, ça va élever une fréquence à des niveaux. Mais c'est pas au niveau de. Ma sentinelle est comme une boule à plasma. Mort. Elle intercepte le moindre faisceau. Ah, ben là, ça, c'est pour. En gros, on est la conscience qui sait que quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, c'est de la programmation. Ben, ça dépend, là. Il y a des choses que c'est autre chose. Il y a des vibrations qui détruisent des programmations. Puis c'est toujours lié à de la conscience. Dans le sens, si quelqu'un, là, qui aurait été alcoolique toute sa vie, puis tout d'un coup, il intègre consciemment qu'il a détruit des gens autour de lui, puis que la colère est assez grande pour qu'il puisse la transmuter en une volonté de changer sa condition. Là, c'est plus de la programmation, là, c'est de la conscience intégrale débutante qui commence à défaire de la programmation. Puis là, il y a un début d'élévation vibratoire parce que il y a une conscience intégrale qui s'active un peu, dans le sens que enfin l'expérimental est intégré, la personne a assez souffert. Donc sa conscience est en expansion, une personne en expansion de conscience. Donc c'est bizarre, j'ai toujours l'impression que tu vis avec tes parents. Ben, vous savez, moi je suis parti de chez moi à 17 ans. Mais finalement, par après, ma mère est devenue. Plus mal en point. Mon père est décédé il y a un bout de temps, mais j'ai fini par revenir pour justement aider ma mère dans sa vie de tous les jours parce que, bon, ben, c'est devenu plus difficile, pas mal. C'est pour ça aussi que je veux me débarrasser du chat parce que c'est dangereux, parce que c'est sans farge de dette pour être décédé. Parce qu'elle a fait l'ostéoporose. Si toutes les conférences et lives supramentales deviennent aussi connaissances astralisées, de toute façon, pour l'aspect mémoire. Ben oui, ben tout est récupéré de toute façon. Donc, c'est certain là, que. C'est certain que tout est récupéré. Mais là, ça, c'est un côté égrégoriel qui est un reflet du supramental, qui est lié à du réflectif. Donc, vous savez, là, il y a différents aspects, là. Il y a le supramental, puis le supramental réfléchi au niveau d'un mémoriel. Donc, faut pas confondre coco et abricot dans la vibration supra, il n'y a rien de forme. Non, mais ça peut aider justement à être créatif au niveau de la forme. Donc, il y a même possibilité de créer des formes. C'est totalement bon. Oh, ben, ça, en tout cas, c'est sûr que ma mère, elle l'écoute, mais c'est pas parce qu'elle trouve ça bon. Je pense qu'elle l'écoute. À chaque fois, elle me dit, je sais pas pourquoi j'écoute ça, c'est tellement ridicule. Là, je dis, je le sais pas, moi non plus. Vieux garçon, non. Ben, non. Ben, vieux, disons que ça fait une couple de fois là, que je me sépare. Puis, bon. Ah, Berthold a un cœur d'enfant. Oh, ça, je ne sais pas. Il y en a même qui, au moment où je me sépare, souvent, on va me dire que j'ai pas de cœur. Que je suis un sans-cœur. Donc, ça m'a été dit souvent là, quand je me sépare, puis que ça commence à. Ça se fait pas d'une façon le fun, là, tout j'y passe pas à peu près. Là, je me le fais dire là, que. Donc, dans un corps d'adulte. Ben oui, mais là, je suis pas pour. Des fois, ça ne me tente pas de me raser, là. Justement, David a dénoncé ce mémorial supramental. Ben, il faut le dénoncer puis le détruire à mesure. Le problème, c'est que c'est récupéré à mesure aussi. Donc, t'es pas durable. C'est vrai, ça, que je suis pas durable. Dans le sens que je suis ben, ben rigide sur certaines choses. Comment on fait la différence entre le supramental et le supramental réfléchi? Ben moi, je le vois par. On le sent par la vibration, entre autres. Aussi, quand quelque chose est au niveau. De toute façon, je me fais corriger immédiatement. Mettons que je vois des fois quelque chose. Une personne, par exemple, qui va parler, dira blablabla, blablabla. Ben là, souvent intérieurement, ça va me le dire. Non, non, non. si on te le dit, puis blabla, puis je me fais corriger à mesure ce que j'entends. Donc, tu restes en bon contact avec tes ex? Ben, il y en a une que je t'en possible contact, là. Même si c'est à elle que je voulais donner le chat, là, que je voulais envoyer le chat s'il revient, puis que je peux enfin l'amener faire ses tests, tant qu'à payer pour lui faire des tests, puis le castrer. Mais c'est moyen. Moyen. J'en ai d'autres que je veux plus aucun contact. Puis bon. Le podcast, c'est les influences de Mars. Moi, je pense que ça vient de Vénus, ça. L'amour polarisé planétaire qui finit par devenir de la haine quand ça tombe dans l'autre polarité. Bonsoir, comment sont rythmées tes journées? Ben, le matin, c'est bizarre ça comme question. Je me lève assez de bonne heure le matin. Je regarde, même avant que la bourse ouvre, je regarde quand même. Puis finalement, bon, je suis comme tout le monde, là, je déjeune, je me lave. Puis par après, c'est surtout de 9h jusqu'à 4h là, d'habitude là, que je suis occupé parce que là, la bourse est ouverte. Mais finalement, des fois, comme là, ces temps-ci, là, c'est plus tranquille, ça bouge pas. Puis, disons que c'est ça qui rythme pas mal mes journées. Mais je suis quelqu'un de bien, bien structuré. Dans le sens que j'ai pas le choix d'être très structuré parce que j'ai pas de notion du temps. Je ressens pas beaucoup la faim. Je ressens pas beaucoup le sommeil. Donc, j'ai pas le choix de me structurer de force. Donc, comment mes journées sont rythmées? Ben, par une espèce de logique auto-régulée. Donc, je mange à des heures fixes, je dors à des heures fixes. Vous savez, c'est bien ennuyant. J'ai pas une vie. Si je me mets à vous raconter ça, vous allez trouver ça bien plus plate que Top Model. Eh bien, on est bien parti pour lui donner une petite coloscopie à ce Muriel. Ah bon. Bon. Vous aurez un enfant, un hein, moustache? Non, je pense pas. Non, la plupart, même mes ex, je retournais avec, elles doivent être ménopausées. Les températures se sont adoucies cette semaine? Oui, un petit peu. T'as pas trop d'ouf côté cassé? Je sais pas, d'ouf. Je sais pas de quoi il est question. Quel est le but de regarder la bourse? Ben là, faire de l'argent. C'est ça qui Voyons, si je regarde pas la bourse, je ne saurais pas quoi faire. Puis, en plus, même quand il s'est fermé, je suis tout le temps en train de faire des recherches, de lire des rapports, des budgets, de courir les nouvelles. Il y a un certain. C'est un monde où il y a ses propres journaux, vous savez, puis il faut tout le temps être à l'affût. Le moindre petit détail cause des variations. Il faut comprendre aussi la psychologie des autres investisseurs. Vous savez, la bourse, là, c'est pas compliqué. C'est de ramasser l'argent des gens plus naïfs, de prévoir d'avance les mouvements, juste un petit peu d'avance. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est une façon, c'est vampirique, la bourse. C'est lié à du luciférien dans le sens que si vous intégrez le structurel de certaines lois, puis que vous les voyez mieux que les autres, ben vous ramassez leur argent. C'est aussi simple que ça. Tu te souviens de ta vidéo où tu as parlé des missionnaires, ceux qui ont quelque chose à faire ici-bas. Et après la pandémie, tu aurais dit par deux fois qu'il y en a qui pourraient attaquer par l'État. Oui, je m'en souviens. Ben oui, mais là, on parle de mandatés. Très grande différence entre les missionnaires et les mandatés. Tu parles du chat, mais je sais pas, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. J'ai vu ça, les couples qui prennent un animal de compagnie pour se faire la main avec un petit chouinard. Ouais, ben non, moi c'est plus pour me débarrasser du chat, là, parce que j'ai pas envie, je veux pas de chat. J'en veux pas. Je veux m'en débarrasser. Puis même si j'arrive pas, si je trouve pas quelqu'un pour le placer, ben il y a un couple qui sont venus et qui cherchaient leur chat. Je pensais que c'était lui. Finalement, c'est pas lui. Donc moi, je suis prêt à le faire parce que c'est un chat errant. Puis il se bat beaucoup, c'est un gros matou. Je suis prêt à le faire soigner, puis à payer pour des examens de base, puis mais genre, je veux pas de chat. Puis mon ex, elle voulait un chat. Je sais qu'elle voulait un chat, puis que ça lui ferait une belle présence, puis que c'est bon pour elle, parce qu'elle a gardé le très grand appartement qu'on louait. Donc, j'ai pensé à elle. Mais moi, j'en veux pas de chat. Si j'arrive pas à le placer, je vais demander à la ville de venir le chercher, désolé. Mais le fait est que là, j'ai plus de nouvelles du chat. Il est pas revenu aujourd'hui. Puis en plus, c'est demain, son rendez-vous demain matin. Ne préférais-tu pas faire des lives à la manière des conférences de Bernard où tu te laisserais parler à partir d'un sujet, des questions posées sur un rapport? Oui, mais le chat va vite. Donc, mais je ne me vois pas encore faire ça. Faire de l'argent pour en faire, ben oui. EDM m'a joué tout perdu pour prendre conscience de l'astral. Ben non, il avait conscience de l'astral bien avant. Ben non. Comment on retrouve son mandat pour attaquer? Je ne le trouve pas dans mes poches. Ben là, c'est parce que justement, il faut avoir la permission de faire ça. Puis moi, les attaques que je me suis déjà menées, que j'ai déjà menées, c'est il reste que je suis passé par des formes astrales au niveau de la Terre, je peux passer directement par l'éther. Donc, puis même là, le dernier coup, j'ai dit, oh, je vais laisser faire un petit bout de temps. Parce que c'est assez troublant. C'est bien du luciférien la bourse. Alors, tu pourras te transmuter cet or et faire de la lumière avec. Ben, quand je fais un gros profit. Puis d'ailleurs, la dame là, qui fait mon impôt, elle me charge cher parce que ça en fait des pages puis des pages. Mais quand je réussis à faire un bon profit, là, c'est là que je vais prendre de l'or. Mais ben oui, c'est luciférien, l'astral. Non, pas l'astral, la bourse. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec mon dernier partenaire de parole, à un moment donné, j'ai dit, il va falloir intégrer du luciférien sans le polariser pour le retourner. Puis, bon. Éducateur de rue pour Malecte, que c'est ça. Mais je sais que j'ai un mandat. Bon, ben, il va s'accomplir de lui-même. Pas besoin de rien forcer, donc, un peu d'humour. Il a suivi une quatre, une chatte, bon, ça se peut, mais là, une quatre, je sais pas. J'avais défoncé les portes, rien à foutre, mort, tu laisses faire. Bon, ben, l'affaire, c'est que si vous êtes missionné dans le sens d'un mandat, ou que si vous avez une permission pour faire certaines choses, ça va se faire tout seul, vous n'avez pas besoin de moi, vous allez trouver comment. Puis moi, je ne suis pas là pour faire des. Je ne suis pas un instructeur de guerre à ce niveau-là, là. Oui, j'aimerais bien aussi faire de l'argent. Jamais réussi à avoir la vibration. Ça a été long avec que je comprenne. Je comprenais rien. Hein. Puis même, j'en parlais souvent, puis je disais, ben, il y en avait d'autres qui en faisaient, puis je disais, je comprends rien. Puis je disais, je comprends pas que tu comprennes pas. Puis c'est étrange, hein, j'ai tout intégré en quelques jours. Ça a pris quelques jours, je comprenais tout. Puis c'est le suite au décès de la personne qui comprenait pas que je comprenais pas. Ça a été très bizarre. Pourquoi attribuer autant de valeur à l'or? Ben, c'est pas moi qui attribue de la valeur. C'est le collectif. Pourquoi? Parce que nous vivons à une époque où la monnaie n'a aucune valeur. Dans le sens que nous vivons dans une époque où toute valeur est subjective au niveau kabbalistique d'une subjectivation des valeurs. Donc, l'argent que nous utilisons n'a aucune valeur et c'est un support qui sert à dominer les peuples. C'est pour ça que l'or a une grande valeur. Puis aussi, l'or au niveau technologique est extrêmement important dans le futur parce qu'avec de l'or, on peut faire des micro-circuits extrêmement petits. Même pour fabriquer de l'armement, ça prend de l'or s'il est très. Donc, l'or va toujours avoir une très grande valeur. Même si dans d'autres mondes, c'est d'autres métaux qui vont avoir plus de valeur, qui sont des points de fusion beaucoup plus élevés. Mais là, c'est tombé dans des choses au niveau de technologie qu'on n'a pas encore. Donc, nous en sommes encore à l'or parce qu'on est dans une planète arriérée un peu. Mais moi, je n'accorde pas de valeur à l'or. C'est le collectif et le contexte qui en accordent. Donc, je n'ai pas le choix de m'ajuster au contexte. Du coup, j'ai bien appris à être autonome. Oui, c'est important. Je sais la notion que tu émets au sujet de en sans argent. Ben, oui, ben la monnaie n'a pas de valeur. Vraiment pas. Elle a une valeur contextuelle au niveau du moment présent, mais elle n'a réellement aucune valeur réelle. Et ça, depuis la Première Guerre mondiale, même un peu avant. Dans le sens que ça a été voulu, puis ils ont l'intention de faire en sorte qu'il n'y ait plus de monnaie. Donc, si tu m'aides en forçant mon initiation, je crois, c'est pas par moi ça que ça va passer. Moi, je peux pas. Ah, il est 16h16, je vais devoir vous laisser bientôt. Donc, l'or est encore la base de la bourse, mais pas pour longtemps. On verra. On verra. Parce que même au niveau de certaines technologies liées à la médecine, nous avons besoin d'or. Ah, le chat doit être de retour, j'entends de la pâtée qui se fait couper avec une cuillère. L'or est partout, et j'ai consulté des gars qui ont la preuve qu'ils l'alchimisent. Ah, qui ferait de l'or synthétique, j'y crois pas 2 secondes. J'y crois pas 2 secondes. Vraiment pas. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Je sais qu'il y en a qui ont eu la capacité d'en faire, mais je crois pas que. Donc, ah, bon, ben, je vais vous laisser, là. Il faut que j'aille séquestrer un chat parce qu'il est rendez-vous demain. Donc, je vais aller voir ça. J'ai acheté de l'argent. Ben, l'argent peut être important, même au niveau technologique, juste pour faire. Au niveau d'un circuit électrique, là, on a besoin d'argent. Donc, il y a aussi. Le tantale. Le tantale, vous ne pouvez pas faire de circuit électrique sans le tantale. Il y a de l'or dans les or. Oui, tous les métaux ont une très grande importance. La plupart, puis même l'osmium va finir par avoir une très grande importance. Donc, je dis pas que. J'y crois pas à large échelle. Ça coûte plus cher à fabriquer de l'or synthétique que de l'extraire et le raffiner. De ce que j'en sais, même si je sais que ça se fait. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de. Mais moi, je crois à rien. Fait que non, je crois pas. Vite, vite, manque le pas. Bon courage avec le jeu, moi. Bonne sécrétation, mais des gains. Ah bon. Je me fais toucher et ma programmation sur la main. Top, merci. Ah, ok. Donc. Bonne journée, il faut qu'on se couche. Nous, les Français, c'est tard, oui. Hein? Il est à la veille d'être minuit. Donc, on s'en reparlera, comme dit Dark et Mist. Bonne soirée.